Perte et gain, histoire d'un converti. Nodé, les halls, salles, jouissent des mêmes privilèges que les collèges, mais ces établissements ne sont pas incorporés à l'université. Chacun de vit sous l'administration particulière d'un principal. De 16 anciennes et nombreuses maisons, il n'en reste plus que 5, savoir 1. Hall de Saint-Edmond. Elle tire son nom de Saint-Edmond, archevêque de Canterbury, qui vivait sous le règne de Henri III, au XIIIe siècle. 2. Hall de Sainte-Marie, bâti en 1333, par Édouard II. 3. Hall du Nouvel Hôtel, bâti en 1349, par Jean Trieck, évêque d'Erford. 4. Hall de Saint-Alban, érigé sous le règne du roi Jean. Elle tire son nom de Robert de Saint-Alban qui probablement la fit bâtir pour en faire son habitation. 5. Hall de la Madeleine. Le bâtiment qui porte aujourd'hui ce nom a été construit en 1820. L'ancien hall du même nom se trouvait à côté du Beau Collège de la Madeleine. Il a fallu un acte du Parlement pour pouvoir opérer le transfert. Markendanarchive.org, 2023 d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.